La première vision par Léo Larguet. Sous les branches oscillées d'azur du vieux pin qui nous abritait du soleil, le docteur Châtelain, le romancier Marc Delombre et moi, nous venions de discuter un article paru le matin même dans un journal, l'article d'un utopiste de 48, qui proposait au gouvernement des choses naïvement monstrueuses. L'écrivain estimait que la première nudité que voit un jeune homme doit être parfaite, qu'elle a une influence sur sa vie, et il s'élevait contre les maisons publiques et leurs misérables pensionnaires. L'article faisait penser à Jean-Jacques et à Fourier. Le docteur avait approuvé l'article et Marc Delombre prétendait que la thèse était ridicule et que la réalisation en serait grotesque, d'autant que l'éveil des sens n'obéissait pas à un décret et que le hasard dirigeait tout. Ainsi moi, continue-t-il, je n'avais guère plus de 5 ans lorsque je fus ému pour la première fois par une femme. Mes parents recevaient à dîner, je ne sais plus à propos de quoi, mais je me souviens qu'on était à la fin de mai. On m'avait permis de venir à table avec tout le monde et la bonne, qui m'avait habillé, me conduisit à 7 heures dans le salon. Ma mère parlait à une jeune dame, éblouissante dans sa robe de soirée décolletée. Ayant embrassé ma mère, j'allais tendre mon front au baiser de la visiteuse, mais arrivé devant elle, un pli du tapis me fit trébucher et la belle femme, ouvrant ses bras gantés, me reçut sur sa gorge. Un parfum m'étourdit. Ma petite tête s'empourpra. La rondeur de ce sein, la blancheur de ses épaules, le jeune visage souriant qui s'inclinait sur moi et me rassurait, les fauteuils, les meubles, tout se mit à tourner et je fus, jusqu'au collège, amoureux de Xavier Dorcel, ainsi l'appelait l'ami de ma mère. Évidemment, dit le docteur Châtelain, vous étiez fort sensible pour votre âge, mais puisque le romancier se contente de ne citer brièvement qu'un fait, permettez au médecin de vous raconter une plus longue histoire, qui pourrait bien être un roman, toujours à propos de la première femme, puisque nous sommes sur ce registre. Je crois que peu d'adolescents ont été aussi favorisés que moi, et c'est là le souvenir le plus aimable de mes 18 ans. Je venais d'achever ma philosophie, et nous étions installés pour l'été, à quelques lieues de la ville, dans une vieille et rustique demeure que ma famille possédait à la campagne. J'étais un jeune homme studieux, sage et maladif, et je vous assure que je n'avais pas l'air d'un collégien déluré. Jusqu'à cet âge, j'avais été de la maison au lycée, et le cours fini, je rentrais, sans un détour, à la maison. Donc, nous étions installés à la campagne pour les vacances, et mes seules distractions étaient la pêche et la lecture des poètes romantiques que je venais de découvrir. Un après-midi que je lisais les Orientales sous un arbre, un après-midi colonial, si j'ose dire, lourd, avec un ciel fumeux, vers lequel montait par vagues l'immense concert de milliers de cigales, une petite charrette anglaise passa sur la route et un jeune homme vêtu de blanc me salua. À travers le parc, j'allais à lui. C'était mon ami de classe, Alexandre Boreuil, le fils d'un antiquaire de la place du Forum, que l'on disait fort riche, en ville. Je lui offris de se rafraîchir. Il refusa, craignant d'être en retard. Il avait une course à faire à quelques kilomètres et me désigna une place à côté de lui sous le tend de l'aide de toile écrue qui faisait une ombre claire à sa toiture. Il allait, me confia-t-il, porter un objet d'art antique à un propriétaire d'un château des environs dont j'avais vaguement entendu parler. Je savais que ce voisin, fort bizarre et solitaire, vivait au milieu d'admirables collections et je n'étais pas fâché de le voir. J'acceptai la place que m'offrait Alexandre Boreuil à ses côtés. Le cheval repartit et quelques souffles d'air caressèrent mon visage. « Vous devez vous ennuyer, » commença Alexandre. « Mais non, » répondis-je, « je pêche, je lis et puis vraiment il fait si chaud. » Et je tirai les Orientales de ma poche. Alexandre, qui aimait les vers, ouvrit le bouquin et se mit à déclamer une strophe. Mais une abeille aux pattes engluées de pollen s'obstinait à demeurer sur une rime et ne pouvait s'envoler. Je souriais, et Alexandre, impatienté, referma le livre sur l'insecte écrasé qui fut comme insigné entre les pages qui bâillèrent à cet endroit. Pendant une demi-heure, la voiture longea le mur d'un parc que dépassait toute une houle de frondaisons séculaires et sauvages, et nous arrivâmes enfin devant une petite porte en bois épais aux clous de bronze. Le bouton de la sonnerie électrique disparaissait sous des feuillages, et il nous fallut le chercher entre les luisantes feuilles noires d'un feston de lierre. La porte s'ouvrit, Et Alexandre, ayant attaché son cheval et entravé ses roues, prit en portant le précieux objet dans une boîte un sentier plein de mousse sous des arbres de Judée. Je le suivais, et je voyais à mes pieds, dans l'ombre du chemin, des disques de soleil qui tremblaient comme de l'eau. Le château que nous aperçûmes brusquement ressemblait à une aile du palais de Versailles. Même architecture, même ordonnance, même patine admirable, et tout cela sous le plus beau ciel du monde. Un domestique guida Alexandre, car moi je demeurais sur la terrasse, à travers un immense vestibule frais, vers un salon que j'apercevais devant moi et qui devait servir de bibliothèque, car des reliures somptueuses montaient du pavé de marbre jusqu'aux moulures du plafond et tenaient tout un côté de la pièce. Quatre portes-fenêtres étaient ouvertes sur le vaste jardin, et les vieux arbres et les stores de toile jaune tamisaient à souhait l'ardente lumière. Par un entrebâillement des stores, je voyais le salon au milieu duquel un homme était assis. Il paraissait avoir 45 ans. Une crinière dure et grise, rejetée en arrière et un peu longue, une barbe épaisse, en boucles distinctes, comme dans les bustes antiques, en faisait un être curieux et d'un grand caractère. Je vis entrer Alexandre. L'homme le salua courtoisement avec une politesse hautaine, et mon ami lui donna la boîte. Il coupa les ficelles et tira du papier qui l'enveloppait un petit bacchus d'ivoire couronné de pampre. Du plat de sa main, il caressait la statuette, comme un voluptueux caresse les poils bien polis d'une maîtresse. Je vis qu'il se levait, et Alexandre prit congé, mais il s'égara sans doute dans un couloir, car il fut un assez long moment sans paraître, et je continuai à regarder l'homme élevant sa silhouette dans la salle, en souriant de ses lèvres rouges. Ce fut alors, et je n'ai pas rêvé, entendez-vous, que j'eus, pour la première fois de ma vie, la révélation de la femme. Une grande fille entra, blonde, élancée, robuste et complètement nue. Elle n'avait aux pieds que des sandales de forme grecque, retenues aux chevilles par des bandelettes dorées et un peigne d'écaille à son chignon. Dans les clartés adoucies et tranquilles de la vaste pièce pleine de livres, de marbre et de miroirs, elle allait sans gêne, habituée certainement à vivre ainsi. Elle s'assit, croisa ses jambes longues et blanches, prit le petit bacchus des mains de l'homme, et je l'entendis qui donnait son avis. Puis la belle fille se leva, arrangea sa coiffure dans une glace, et me tournant le dos, quitta le salon, les bras arrondis sur sa tête, pareil à une grande amphore d'albâtre. Lorsque Alexandre, qui s'était trompé de couloir, ressortit, il me crut malade. Ma tête était en feu, et je distinguais, à travers la toile de mon veston, les battements précipités de mon cœur. Je ne lui racontais pas ma vision. Il se serait moqué de moi. Et nous repartîmes dans le grand soleil où crépitaient les cigales. Voilà. J'appris dans la suite que cet homme était un singulier original, et qu'il vivait, entouré de choses antiques, seul avec cette jeune femme nue en toute saison, dans ce délicieux château où personne n'entrait. Imaginez ce que vous voudrez, mon cher romancier, dit le docteur, en s'adressant à Marc de l'Ombre, mais je vous jure que j'ai dit la vérité, et j'ai voulu, après votre courte histoire, vous racontez comment j'avais eu, vers ma 18e année, l'éblouissement de la beauté nue. C'était la première vision par Léo Larguet.